base on est mignon et tant mais les gamins on durcit plus vite que la baguette du Hainout. Un demi plein de gazous et je monte à Paname faire un boulot vu d'où je viens cher respirer sous l'eau. Maintenant on est moche et méchant, on veut ce qu'il est ancien et méché, on chérit les sommes alléchantes, on n'aime pas lécher, tes chances si on t'a laissé en convalescence. Pour mon fils serait Daniel, Balavoine, la faucheuse on lui a dit va là-bas. Au si tu te miniques au City Stade, on te saoulait man Jawara. Il me faut un casse-croûte, Hannibal, je viens de la Houdi, 17 degrés, pas si mal. Je me réveille à 6h, subhanallah. Vu que l'huissier est matinal. Pour ma fille, je suis l'émir du Qatar. J'ai choqué la juge, l'éducateur. On mangeait des pinces aux Andalous. Indica, y'a pas de chakalout. En parlant de ça, j'écrase un Beyrouth. T'en parles plus en paraît, on parle en Paris, il est en baraque. Je sais pas ce que tu baragouines, mais je sais que tu nous paratines. J'ai la tête à l'envers, hein. Je vois que du gris quand je regarde en l'air. C'est minimum dans les genoux. Je sais pas ce que t'attendais de nous. Je vois que du bleu autour du terre-terre. Avant de rendre fier, j'ai des super-mères. C'est minimum dans les genoux. Je sais pas ce que t'attendais de nous. J'ai la tête à l'envers. Je vois que du gris quand je regarde en l'air. C'est minimum dans les genoux. Je sais pas ce que t'attendais de nous. Je vois que du bleu autour du terre-terre. Avant de rendre fier, j'ai des super-mères. C'est minimum dans les genoux. Je sais pas ce que t'attendais de nous. Je sais pas ce que t'attendais. Qu'on aurait peur de faire notre place. De toute façon on a toujours un plan B. Si le chemin est fermé de face, j'ai le manque de mes souvenirs d'enfance. Dans certains excès de défense, on s'enfonçait dans la délinquance. En pensant que l'argent nous donnerait des réponses. Ça remplit la poche. J'suis sur la rue des postes ou à Pont-de-Neuville. J'suis comme le maire, j'check tout le monde dans le centre-ville. Ça s'oublie pas comme le ventre vide. Ça bouge pas comme le couscous du vendredi. On faisait des antennes en fil de fer. Depuis l'époque de ta grand-mère en string de guerre. 59, j'aime le tatouer. La plaie guise sur moi comme si j'suis fait en kawé. Mais je suis fait en or et en plaqué. Les buts de ma vie, je vais les marquer. J'ai la tête à l'envers, hein. Je vois que du gris quand je regarde en l'air. C'est minimum dans les genoux. Je sais pas ce que t'attendais de nous. Je vois que du bleu autour du terre-terre. Avant de rendre fier, j'ai des super-mères. C'est minimum dans les genoux. Je sais pas ce que t'attendais de nous. J'ai la tête à l'envers, hein. Je vois que du gris quand je regarde en l'air. C'est minimum dans les genoux. Que t'attendais de nous. Je vois que du bleu autour du terre-terre. Avant de rendre fier, j'ai des super-mères. C'est minimum dans les genoux. Je sais pas ce que t'attendais de nous.